Les dépravés, cinquième partie. C'est vers cette époque que se produisit dans la maison du docteur Houzelot un événement décisif. Depuis longtemps, les certificats d'aliénation mentale, suivis de transferts violents dans des cabanons suspects, passaient pour avoir remplacé quelque peu les lettres de cachet. L'opinion publique avait été saisie de plaintes de toutes sortes, d'où il résultait que la démence et l'incarcération de l'un, profitant presque invariablement à un autre, la première pouvait bien être supposée et la seconde criminelle. Les journaux s'émurent, le gouvernement feignit de s'émouvoir. Il prétendit même que sa sollicitude avait devancé la réclamation qui surgissait tout à coup et qu'une enquête sur les actes signalés était décidée en principe. En matière politique et gouvernementale, quand on déclare une chose décidée en principe, c'est qu'on n'a jamais eu l'intention de l'exécuter en réalité. Et il est probable que ce principe-là serait allé rejoindre les autres quand l'éclat de la célèbre affaire Sandon vint forcer la main au pouvoir. Le docteur Houzelot, qui avait été quelques années médecin en chef de la Salpêtrière, fut chargé, conjointement avec trois de ses collègues, de se constituer en commission médicale avec mission d'aller respecter minutieusement, disait l'arrêté ministériel, les maisons de santé indiquées comme ayant été transformées en maisons de détention et de constater de visu si les pensionnaires de ces établissements hybrides étaient en état de traitement ou en état de séquestration arbitraire. Le voyage de la commission dans un des principaux départements de l'Est amena une série de révélations imprévues. Elle découvrit notamment, dans un des lazarets soumis à son inspection, une véritable salle de torture où les malades récalcitrants étaient appliqués à la question ordinaire et extraordinaire, extraordinaire surtout, puisque les malheureux, étant alignés, ne trouvaient à cette question aucune réponse à faire. L'impunité dont le directeur et les gardiens se croyaient assurés, grâce à l'état mental de leurs administrés, leur avait inspiré des abus d'autorité dont l'histoire de France seule aurait offert des exemples. Des cicatrices apparentes, des têtes affamées, des estomacs perdus attestaient que l'abondance des coups régnait dans la maison en proportion du manque de nourriture. Le docteur Houzelot, indigné, interpella publiquement le propriétaire de cette geôle. « Vous n'êtes pas un directeur d'hôpital, lui dit-il. Vous êtes un garde-chambre. C'est au bal que vous devez aller continuer vos études. Soyez sûr que si je puis faciliter les moyens d'aller les compléter, la protection vous est acquise. » Et sans désemparer, la commission dressa un rapport concluant, avant toute décision ultérieure, à la fermeture préalable de l'établissement. Les paroles du docteur Houzelot avaient couru la ville et y avaient produit une sensation formidable. Le directeur tortionnaire était considéré dans le département comme une créature du clergé. Son arrestation, discutée dans tous les cafés, devait être le triomphe de l'esprit moderne. Un vieux libéral n'hésita pas à déclarer que sa chute serait la revanche de la Saint-Barthélemy. 15 jours après la visite de la commission médicale, le scandale durait encore et les révélations continuaient à aller bon train. Lorsqu'on apprit officiellement que le directeur de cet hospice, si peu hospitalier, ne serait ni arrêté ni destitué, que la maison ne serait pas fermée et que le premier gardien serait seul déplacé pour cause de négligence. L'ironie de cette conclusion, où tout le monde voulut voir le jeu d'influence sous-jacente, parut au docteur Houzelot tellement inacceptable qu'il proposa à ses collègues de rédiger en commun une protestation catégorique contre l'avanie, le mot devait s'y trouver, dont une commission officielle venait d'être l'objet. Les trois collègues tergiversèrent, ils prétendirent comme ça qu'ils étaient pères de famille et qu'ils ne tenaient pas se mettre à dos la cour de Rome. Houzelot, trop engagé pour rétrograder, prit sur lui de maintenir la protestation qu'il signa seul et qu'il adressa au ministre de l'Intérieur avec menace de la faire parvenir aux journaux si les bureaux n'en tenaient pas un compte sérieux. Les bureaux et les ministériels en cirent un compte extrêmement sérieux, en effet, car il reçut peu de temps après, dans le chef-lieu où il était resté, afin de compléter son enquête, la visite d'un chef de division envoyé auprès de lui avec un projet de conciliation basées sur des concessions mutuelles. Le fonctionnaire délégué convenait que les faits mis au jour avaient une gravité exceptionnelle. En conséquence, et uniquement pour ne pas semer des ferments d'agitation dans un pays aussi impressionnable que le nôtre, il proposait au docteur de retirer son rapport, moyennant quoi celui-ci recevrait, au 15 août, sa nomination d'officier dans l'ordre impérial de la Légion d'honneur. Ouzolo craignit de passer tout entier dans le grenage s'il consentait à y fourrer seulement un petit doigt. Il répondit à ses propositions d'armistice par l'envoi de sa démission de membre de la commission d'inspection des maisons d'aliénés et fit incontinent ses marques pour retourner à Paris. Mais cet acte de désintéressement et de vigueur avait développé sur le territoire du département de telles sympathies en faveur du docteur que tous les indépendants des environs le happèrent au passage et le forcèrent à s'oublier un jour encore dans la capoue d'un banquet de 120 couverts machiné en son honneur. Aux assauts d'éloquence provinciale qu'il eut à subir avant le café, il répondit par un discours improvisé dans la forme familière usitée en Angleterre et qui donne aux déclarations les plus solennelles l'allure d'une conversation. Il développa cette thèse que les gouvernements les plus intolérants étaient justement ceux qui toléraient les choses les plus intolérables et que les publicistes avaient évidemment calomnié l'Empire en dénonçant son autocratie et son arbitraire, car souffrir comme il le faisait que le chef de l'établissement sanitaire tortura ses clients, selon son absolu bon plaisir, indiquait de la part du pouvoir un respect illimité de la liberté d'action. Il fit l'autopsie de cette horloge administrative dont tous les rouages sont tellement enchevêtrés qu'on ne peut pas remplacer un huissier sans s'exposer à voir éclater le grand ressort. Les saillies de gaieté âpre, mais toute parisienne, dont il clairsema sa causerie, étonnèrent et ravirent ses livreurs, ses auditeurs départementaux, qui semblent passer leur langue à l'emploi avant de prendre la parole. Un des banqueteurs, gros manufacturier des plus affluents, au milieu des applaudissements unanimes qui accueillirent la péroraison de l'orateur, lâcha ce mot qui résumait l'opinion de l'assistance. Le député que nous cherchions, le voilà. Cette soirée, qui devait avoir sur la destinée des principaux personnages de cette histoire des conséquences directes, révéla au docteur Ouzolo deux choses qu'il ignorait au même degré. La première, qu'il était orateur, la seconde, qu'il était ambitieux. La naissance de Maximilien ayant coûté la vie à sa mère, le docteur Ouzolo s'était trouvé veuf très jeune encore. À 30 ans, un mari n'a d'ambition que pour sa femme, à 50 ans, il y en a pour lui. La vie fiévreuse et piétinante d'un médecin voué à la clientèle et accablé de coups de sonnette 15 heures sur 24 avait fait pour lui des journées trop courtes d'un bon cinquième. Il avait eu juste le temps de faire fortune comme père de famille et de se convaincre comme médecin que la plupart des maladies les plus redoutées, c'est-à-dire la fièvre typhoïde, la fluxion de poitrine, la petite vérole et quelques autres pour lesquelles les princes de la science sont journellement invoqués et convoqués, se guérissent toutes seules avec deux tasses de bourrache et un bon feu dans la chambre quand elles doivent se guérir. Mais cet impérieux besoin de concentration et d'isolement intermittent qui poursuit toute nature choisie, il n'avait jamais pu le satisfaire. Les années avaient filé comme des flèches. Et à l'âge de 52 ans, après 30 ans d'exercice, il lui semblait avoir déposé depuis 3 mois, tout au plus, son tablier d'un terme. Il n'y a pas, pour un homme politique, de moment plus émouvant que celui où il sort de la vie privée pour entrer dans la vie publique. Un spectateur qu'on irait chercher dans la salle pour s'installer sur la scène en qualité d'acteur en lui disant « Marche, cette pièce que tu es venu voir, c'est toi qui vas la jouer » ne serait pas plus ahuri, plus désorienté et en même temps plus ébloui que le simple citoyen appelé à parler à la foule dans laquelle il est resté longtemps confondu. Ou la transition pendant laquelle l'homme qui regardait se sent devenir l'homme qu'on regarde est pleine d'angoisse et de vertige. Cette députation, qui, à la chaleur des toasts, tombait dans le cerveau du docteur Ouzolo, devait y pousser les racines vivaces. Éclairée sur la valeur réelle qu'il fallait attribuer aux airs gourmets et aux cravates blanches de ses confrères, désillusionnée sur les femmes dont, en sa qualité de médecin homme d'esprit, il recevait quotidiennement les confidences, il recueillit comme une manne cette nourriture politique qui promettait de remplir le vide de sa carrière déjà longue. Au moment de quitter la salle du banquet, il se sentit un instant devenir immobile sous les bravos que soulevèrent ces dernières paroles. Il s'était vu, tout à coup, comme dans un rêve d'opium, debout au corps législatif, déconcertant le ministère, émotionnant les tribunes et désagrégeant les majorités. On approchait de 1865. Les élections partielles étaient imminentes, bien que le gouvernement eût décidé de les retarder jusqu'à la limite extrême octroyée par des lois dont l'élasticité se développait d'heure en heure. Ce pouvoir, qui se prétendait l'issue du suffrage universel, tremblait continuellement devant son père. Mais enfin, le quart d'heure de Rabelais approchait. On ne pouvait en douter au nom qui circulait dans les foules. Des réunions s'organisaient sous l'influence de cette opposition, déjà clandestine, que le 2 décembre s'était créé à lui-même, faute d'oser affronter les périls d'une opposition déclarée. L'Empire refusait la liberté, de peur qu'elle ne dégénérât en licence. Et il allait périr par la licence pour n'avoir pas voulu donner la liberté. Le département dont le docteur Houzelot était si rapidement devenu le favori, à la suite de sa courte campagne, avait, par suite de décès, un député à nommer. Tous les souscripteurs du banquet, offerts au courageux démissionnaire, devaient exercer, par leur situation dans le pays et leur fortune, une action prépondérante sur le choix et le succès du candidat. Or, ils se voyaient sûrs de leur appui, car l'opposition n'avait pas, à ce moment, le caractère antidynastique qu'elle a affecté depuis, et le bourgeoisisme, qui, malgré tout, constituait le fond du caractère du docteur, ne pouvait faire que bon ménage avec celui de ses convives. Aussi, au lieu d'affricasser le poignet de main qui l'accompagnait jusqu'à la gare, lorsqu'il prit le train pour Paris, se répétait-il, avec la joie d'une vieille fille qui marche enfin à l'hôtel, 52 ans, c'est la jeunesse électorale. Mais il ne suffit pas d'avoir séduit l'opinion publique, il est indispensable de l'alimenter. À peine rentré dans son cabinet et assis dans son fauteuil, le père de Maximilien se traça le plan d'un ouvrage démocratico-hygiénique sur le régime des prisons. Prévoyant le cas où le temps matériellement manquerait pour qu'il fût publié avant le vote, les feuilles de Paris et surtout celles du département en vue duquel il était écrit le présentèrent à leur lecteur comme étant sous presse, bien que l'auteur en cherchât encore le titre. Mais promettre un livre vaut quelquefois mieux que de le faire paraître, car il est à peu près sûr que l'annonce sera lue, et rien ne prouve que le volume l'aurait été. Un matin, vers 9h, Houzelot, assis devant son bureau, était occupé à classer des observations et des notes, lorsque Félix lui remit une carte de visite, autographiée, étroite et médiocrement propre, contenant pour toute indication ce nom tout sec, Mathusen. Le docteur, croyant à une consultation, allait faire prier le visiteur de revenir dans l'après-midi, lorsqu'il vit entrer dans son cabinet, par entrebâillement de la porte, un être de son sexe, peut-être de son âge, couvert d'une houppe longue, nuance bronze florentin, à laquelle le temps et le frottement avaient donné une sorte de patine, et qui, un chapeau gris à la main, bien que la saison se prêta peu au déploiement de cette couleur, attendait, dans une attitude modeste mais résolue, qu'on lui adressât la parole. Même si cette façon subreptice de pénétrer jusqu'à lui n'eût pas mis en défiance M. Houzelot, le coup d'œil rapide qu'il laissa tomber sur l'étranger n'eût pas été précisément favorable à celui-ci. Ses vêtements trop larges, soutenus par deux épaules en porte-manteau, laissaient voir un cou fané qui sortait du collet de la houppelande comme de la carapace d'une tortue. Ses paupières supérieures, jaspées rouges et violets, recouvraient en partie, comme des persiennes à moitié baissées, des yeux vitrifiés qui semblaient regarder en dedans. Et si quelqu'un avait eu le courage de consacrer une minute à l'examen de ce crâne huileux, il se serait demandé si l'enduit qu'on y distinguait était une couche de cheveux imprégnée de graisse ou une couche de graisse sur laquelle on avait collé des cheveux. Et comme Houzelot restait à l'état de point d'interrogation devant cette tête gélatineuse, « Monsieur le docteur, » dit l'inconnu, en soulevant une de ses jambes courtes pour faire en avant un nouveau pas qu'il n'osa cependant risquer. « J'ai appris tout à l'heure que vous terminiez un important travail sur le régime alimentaire des prisons. Voilà 25 ans que je suis dans les maisons de détention. comme entrepreneur des travaux et fournisseur des livres. Sur la table de l'unité, le visiteur, en voyant les yeux de son interlocuteur se porter vers le clou auquel était suspendue sa montre. Je puis donc vous transmettre sur ces matières spéciales des documents dont vous me remercierez, j'en suis sûr. Asseyez-vous, je vous prie, monsieur, dit le docteur, en venant de ses préventions. Vos indications peuvent m'être en effet fort utiles, et je vous remercie vivement d'avoir bien voulu m'aider, ainsi de votre expérience. Mais je ne puis vous cacher que je n'ai pas l'intention de me montrer absolument tendre pour messieurs les entrepreneurs qui, m'a-t-on certifié, abusaient étrangement de la situation précaire des malheureux détenus qu'ils étaient chargés de sustenter. En effet, répondit Mathusalem, collant familièrement sa main poisseuse sur le genou de M. Houzelot, s'il y a au monde une situation où l'on ne devrait pas être exploité, c'est celle de prisonnier. Eh bien, il arrive précisément tout le contraire. En ce cas, répliqua le docteur, démonté par ce cynisme, je ne vois pas trop ce que vous avez à gagner à venir me signaler des abus ou peut-être des turpitudes dont vous profitez comme les autres. Plus tard, nous reviendrons là-dessus, dit l'entrepreneur. D'ailleurs, mon affaire est faite maintenant. Je me retirerai quand je voudrai, et une fois de la boutique, on pourra bien raconter sur moi les mines et la famille. Voilà qui m'est égal, par exemple. C'est un homme qui veut changer de quelques concurrents, encore plus malhonnête que lui, pensa Bouzelot. Mais il avait besoin de faits et de chiffres. Il ne crut pas devoir s'aligner outre mesure. Personne ne pourrait vous renseigner comme moi. J'ai des traités avec vannes de prison et maisons d'arrêt, reprit Mathusalem, en tirant des doublures de sa houppelande un portefeuille qui vomissait des papiers tant par ses poches que par ses déchirures. Parmi les professions inconnues, il en est peu à la fois le plus ignoré et le plus singulier que celle d'entrepreneur des travaux qui sort des établissements pénitentiaires et des fournitures qui doivent y entrer. Cet art de moraliser les criminels et de s'en faire 50 000 livres de rente consiste principalement à dépouiller des hommes condamnés pour avoir dépouillé les autres, c'est-à-dire à leur donner à fabriquer des porte-monnaies qu'on vend 6 francs et à les leur payer 5 centimes sur lesquels on leur en tient 2 comme invite au respect de la propriété. Les marchés passés pour l'habillement et la nourriture des détenus donnaient lieu à cette époque, j'ignore si les choses ont été modifiées depuis, aux combinaisons les plus invraisemblables. La somme consacrée par l'État à l'entretien de chaque prisonnier étant à peu de choses près idéale, le secret du métier réside dans le talent de servir aux condamnés des soupes au bouillon des plus sûres pour leurs estomacs, pour leurs jambes, des pantalons déjà illustrés, ou plutôt lustrés par plusieurs générations de réclusionnaires, et pour leurs pieds, des sabots de rencontre ratissés avec des morceaux de vitre afin de laisser croire qu'ils sont fraîchement sortis du peuplier qui les a vus naître. Mathusalem vendit toutes les mèches, découvrit tous les trucs, déchira tous les voiles avec une complaisance inaltérable. Il passa 2 heures en tête-à-tête avec Houzelot, qui enregistra soigneusement toutes ses révélations. « Cet homme est une mine, se dit-il. Mon livre aura un succès fou. » Et il ne put, en le reconduisant après lui avoir donné rendez-vous pour le lendemain, se retenir de serrer cordialement sa main cadavéreuse. Dans la soirée, le docteur raconta à Maximilien la bonne fortune qui lui tombait des nues. Il y avait à rire et à pleurer dans le récit des pirateries détaillé par Mathusalem. C'est la dernière incarnation de Vautrin, dit Max. Invite donc un jour ce vieux Robert Macaire à dîner. Il doit être à se tordre. Les conférences durèrent 2 jours. Le 3e jour, Mathusalem arriva 1 heure plus tard qu'à l'ordinaire, dans un costume presque régulier. Il portait notamment une chemise blanche et un chapeau noir. Je vous apporte des calculs très intéressants sur les prix de revient de chaînes d'acier qui se font dans nos maisons, dit-il. D'ici à quelques jours, je vous dévoilerai les mystères de la fabrication des épingles, puis des veilleuses, et enfin, c'est que je suis un peu pressé, interrompit le docteur. Il est de première importance pour moi que mon livre soit publié avant la convocation des électeurs, car vous savez qu'il est question de pourvoir aux 4 sièges actuellement vacants au corps législatif. Ah, c'est donc vrai que ce que j'ai déjà lu à 3 ou 4 reprises différentes. Vous vous présentez ? Demanda le fournisseur, avec une nuance de surprise. Que voulez-vous, mon cher monsieur Batucet ? On m'a menacé de la colère du peuple si vous ne me laissez pas faire. Alors je me suis laissé faire. Tiens, c'est étonnant, murmura Batucet, comme ayant l'air de se parler à lui-même. Étonnant ? Quoi ? Que trouvez-vous d'étonnant ? Que vous vous présentiez. J'avais cru, je pensais, mais je commence pour vous déclarer que je ne suis pas trop ferré sur les droits du citoyen français. Eh bien, que pensiez-vous, fit le docteur, avec une précipitation singulière. Je pensais que vous n'étiez pas éligible. Quoi ? Moi ? À quel propos, supposez-vous ? Balbutia le docteur, troublé presque au point de défaillir. L'œil du fournisseur ne perdit pas une goutte de cette sueur froide. Je peux me tromper, notez-le bien, reprit-il, quoique je sois dans les prisons depuis 25 ans. C'est un jour, tout à fait par hasard, qu'il m'est tombé dans les mains un dossier qui vous concerne. Oh, je ne vous rappellerai certainement pas cette affaire si elle avait la bonne gravité, ajouta-t-il vivement. C'est une vétille, un enfantillage. Il y a 32 ans de l'aventure, vous étiez donc tout jeune. Le désagrément dont vous avez été victime aurait pu arriver à tout le monde, à moi, à n'importe qui. En effet, répondit Hucheloup, en se raccrochant à la perche que son ennemi feignait de lui tendre. J'avais tout au plus 20 ans. Oh, je sais, je connais, et il y a 7 ans que les pièces sont entre mes mains. J'ai eu tout le temps de les étudier. Vous étiez étudiant en médecine. Vous alliez dîner chez Ravel, à la barrière de l'étoile, en compagnie d'une petite dame rose. J'ai vu socialement. Qui a dit au cours du procès s'appelait Valérie. Malheureusement, un simple coup de coude sur un ressort a fait relever subitement le store de votre citadine. Vous rappelez-vous comme c'est laid, ces citadines. Et un agent a eu la méchanceté d'arrêter la voiture et de dresser un procès verbal. Et il fallait du reste que ce fût bien insignifiant, puisque les 10 jours auxquels vous avez été condamné, vous avez obtenu de les faire à Sainte-Pélagie, dans le pavillon des politiques. Ou même Valérie, qui avait été acquittée, a trouvé moyen de venir vous rendre visite. Vous voyez que je suis au courant. Le docteur, qui avait cru cette histoire à coup sûr plus ridicule que désodorante, enfouie dans les brumes de sa vie de carabin, en totalisant instantanément les conséquences, et se sentit envahi par une agitation qui l'étranglait tout en lui donnant envie de crier. Il n'en prit pas moins un ton dégagé, pour répondre au récit de Mathusem, il n'y a réellement pas de quoi fouetter un chat. C'est absolument mon avis, répliqua l'industriel. Il faut que cette magistrature n'ait pas 2 liards de sang dans les veines pour condamner à 10 jours de prison un jeune homme coupable d'une pareille niaiserie, et qui date de 32 ans. Il y a incontestablement prescription. Malheureusement, la loi politique n'entend pas cette oreille-là, dit Mathusem. Tout individu condamné pour outrage aux mœurs, et c'est là votre cas, hein, ça n'a jamais privé de ses droits électoraux. C'est bête comme tout, mais on ne peut rien y faire. Les cléricaux nous reprochent bien nous autres la prise de la Bastille, effectuée il y a 76 ans. Or, vous avez dans votre rapport sur cette maison d'aliénés froissé le clergé, qui n'oublie rien. Comme c'est surtout la moralité de ce gouvernement qu'on attaque, sans compter qu'on a bien raison, le bon Veuillot serait enchanté de produire contre un candidat hostile des faits tant soit peu scandaleux. Ce serait désastreux pour le parti. Il y avait là un essai d'intimidation. Ce Shylock s'improvisant démocrate et posant le malheureux Hucheloup en victime de cette réaction, à laquelle lui-même semblait vouloir fournir des armes, qui n'hésitait pas d'ailleurs à déclarer déloyal, inspirait au docteur une terreur inconnue. Enfin, demanda-t-il, avec la brusquerie d'un homme impatient de sortir d'incertitude, à quoi tend cet interrogatoire ? Mais je ne me permettrai pas de vous interroger, répondit l'entrepreneur avec bonhomie. Vous m'apprenez que j'ai des amis à vous, que des amis à vous ont l'intention de pousser votre candidature. Alors, comme vous savez inéligible, j'ai cru devoir vous avertir, afin que vous soyez prémunis contre une surprise, au cas où vous persisteriez à vous présenter. Le docteur était parfaitement fixé sur sa situation électorale. Mais, en admettant qu'il n'eût jamais pris sa condamnation au sérieux, il ne pouvait soupçonner s'il se trouvait après 32 ans quelqu'un pour s'en souvenir et la lui rappeler. Mathusem était-il ambassadeur chargé de l'amener à se désister de sa candidature ou un ami désireux de lui épargner un affront? Ce qui l'effrayait le plus, c'était l'abandon excessif que Mathusem avait montré depuis 3 jours dans ses révélations. Il faut bien qu'il se sente sûr de son silence pour m'avoir confié dans le secret, pensait-il. Cependant, il crut de bonne politique d'affecter de prendre les choses du meilleur côté. Je vous remercie, dit-il, de l'intérêt que vous témoignez, sinon à moi, du moins à notre cause. J'avais espéré qu'en raison du temps écoulé et de la signification du délit, je n'étais pas indigne de mon titre de citoyen. Si cependant cette déplorable affaire était bruitée. Voilà précisément le point sur lequel je tiens à vous rassurer, répliqua l'entrepreneur en allant tirer le verrou qui fait du cabinet de médecin une sorte de confessionnal. Je suis le seul être au monde en état de publier votre aventure. À l'époque où elle s'est produite, le casier judiciaire n'existait pas et les pièces du jugement sont aujourd'hui entre mes mains. Eh bien, et alors il dépend de vous de me tirer de ce mauvais pas. Parfaitement. La moindre indiscrétion aurait pour vous des conséquences incalculables. Aussi, croyez qu'on me coupera un 4 avant de tirer un seul mot de moi. Monsieur Mathusem, dit l'auteur, se sentant remonter sur l'eau, je n'oublierai de ma vie l'obligation que je contracte aujourd'hui envers vous. Je vous devrai mon avis en politique. Arrangez-vous pour être nommé au moins, dit l'entrepreneur, avec une familiarité gênante dont le sens était « Allons-nous l'enfoncer, ce gouvernement qui va naïvement vous déclarer élu, tandis que vous n'êtes même pas éligible ?» Ouzolo souffrait horriblement, mais voir la députation lui échapper lui probablement fait souffrir davantage, car dans un élan de reconnaissance irraisonné, il tendit la main à M. Mathusem en lui disant « Vous êtes un véritable ami. Je vous en prie, mettez-moi le plus tôt possible à même de vous prouver ma gratitude. » Nous verrons plus tard, répondit-il. Je vous dis adieu. Léocadie m'attend, et c'est une demoiselle qui n'aime pas attendre. Léocadie, c'est ma fille, je n'ai qu'elle d'enfant. Alors je la gâte un peu. Ah, cher Mathusem, vous avez une fille. 21 ans, une brute solide à qui j'ai appris l'économie. Voilà 3 ans qu'elle tient mes comptes, et je vous prie de croire qu'elle connaît le prix d'un centime. Je lui donne 55 000 francs de dot. Ce sont toutes mes épargnes. Ah, le mari qu'il aura ne sera pas à plaindre. Je le crois pas bien, fit Ouzolo, ne démêlant pas quel aboutissant entendait cet éloge de mademoiselle Léocadie. Et vous, docteur, reprit Mathusem, vous n'êtes pas précisément mal partagé non plus. Hier, en venant ici, j'ai rencontré votre fils dans les escaliers. On ne peut pas dire autre chose. C'est un beau garçon. À 22 ans, c'est bien le moins qu'il soit présentable. Ah, il a 22 ans. Un an de plus que Léocadie. Rien n'est bête comme un homme moins âgé que sa femme. Bien qu'il ne pût exister dans l'esprit du docteur aucune corrélation entre l'âge de Max et celui de Léocadie, la réflexion de Mathusem avait pris dans sa bouche un caractère d'équivoque si particulier que le père du jeune homme regarda avec une certaine surprise le père de la jeune fille. Non seulement celui-ci soutint l'assaut sans baisser les yeux, mais prenant subitement le docteur par le bras, il s'approcha de lui, comme dans un corps à corps, et lui dit à l'oreille ces mots qui ne pouvaient être entendus et compris que par un complice. Avouez qu'à eux deux, ils feraient un joli couple. Le docteur frissonna. Il avait deviné dans toute sa profondeur le but des visites du vieux millionnaire. Il avait vu clair dans ses ménagements et ses circonlocutions, et tenait enfin tout le secret de sa conduite. Il n'y a pas à en douter, se dit-il. Cet être impudent veut de Max pour sa fille, et il me met le marché à moi. Mathusem ne s'abusa pas sur l'effet du vœu qu'il venait d'émettre. Il jugea donc imprudent de redoubler et alla retirer le verrou, ce qui annonçait la clôture du débat. Allons, reprit-il. À bientôt, docteur. Réfléchissez à notre conversation. Quant à moi, je me mets à vos ordres. S'il ne fait pas bon de m'avoir pour ennemi, j'ai un frère pour ceux qui me témoignent de la sympathie, à moi et au mien. Réfléchissez à notre conversation, vous voulez dire. Décidez si vous aimez mieux être déshonoré et rire à jamais les listes électorales, que de laisser votre fils devenir mon genre. S'il ne fait pas bon de m'avoir pour ennemi, traduction littérale, abondez dans mon sens, vous n'en sortirez pas vivant. Je suis un frère. Autrement, je deviens le vôtre par l'union de nos deux enfants. Pour ceux qui me témoignent de la sympathie à moi et au mien, mot à mot, il ne suffit pas pour tenir mon silence de se montrer grâce pour moi. Il faut encore, il faut surtout l'être pour ma fille. Ces quatre propositions exposées, le père de Leocadie s'enfonça en reculant dans la porte en faisant de la main au docteur un salut à la fois compassé, ironique, cordial et menaçant. Enfin, voilà.